Shut up and let me go. En gros, ferme-la et fous-moi le camp. Ce sont les mots doux du duo britannique Ting Tings. Une insolence bravache, digne de chez nous. Oui, 80% des Français sont pas inquiets d'attraper la grippe A. Apparemment, oui. Ben, on en reparlera quand ils seront tous morts. Cela dit, notons simplement que pour l'instant, la grippe A est en effet moins meurtrière que l'épidémie sociale chez France Télécom, puisque nous en sommes cette semaine au 24e suicidé. Mais Didier Lombard, lui, le PDG, est toujours là. Enfin bon, pour l'instant, il est 11h10 et c'est le bon moment, me semble-t-il, pour te vautrer confortablement afin que nous amorcions ensemble les modestes péripéties laïques de ce 173e épisode du Mangin Palace. Ainsi, découvrons immédiatement les névroses de notre petite session freudienne. Eh bien, ce matin, en compagnie de Monsieur Divan Beaujolais, nous allons vivre une expérience régressive, puisque nous allons tout d'abord croiser Nounours, bonne nuit les petits, puis Nicolas, l'idole des jeunes, et enfin Pimprenel, en pleine thérapie de groupe. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. 8h20, l'invité de France Inter. Et ce matin, le secrétaire général de l'UMP. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour les enfants. Tu crois que c'est le moment de te foutre de ma gueule ? Bonjour. On change de registre. Comptabilité macabre. 24e suicide à France Télécom hier. Ça l'a bien calmé ton intervention. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond d'après vous à France Télécom ? Non, je crois pas qu'on puisse dire que c'est France Télécom exclusivement. Ce qui est très important, c'est dans les relations humaines, que tous les dirigeants, tous les managers soient formés à cette question du stress. De quelle façon ? Très bonne question. De quelle façon ? Et de bien faire en sorte, quels que soient les objectifs qui sont proposés. Mais attends, t'es gentil, t'arrêtes tout de suite. Hein. Qui sont mis en place pour les salariés, est-ce qu'on soit respecté et pris en compte ? Ouais. Eh ben, on est tombé sur des sacrés pros. Chapeau. Nicolas Sarkozy était ce matin dans le Vaucluse à Avignon. Il a dévoilé son plan pour les jeunes avec une priorité absolue aux 16-18 ans. J'ai l'honneur et l'avantage d'annoncer la venue de notre sage et omnipotent leader, Zoltan. Zoltan. J'ai bien conscience qu'il n'est pas facile d'être jeune dans la France d'aujourd'hui. Je me sens plus proche du jeune et par là même, le jeune se sent plus proche de moi. Je n'accepterai pas que des jeunes quitte l'école à 16 ans sans aucune perspective. Et je me sens une âme de rasta blanc. Je les appelle les décrocheurs. Aucun d'entre eux ne sera livré à lui-même. Rastafari Babylon System, Rastafari Zion Babylon. Ces jours de vote aujourd'hui au Parti Socialiste, les militants sont invités à se prononcer sur la rénovation du PS. Ils devront répondre à une dizaine de questions concernant, entre autres, les primaires et le non-cumul des mandats. Martine Aubry. Oh, c'est pour le Parti Socialiste une formidable occasion d'être en avant-garde démocratique dans notre pays. Voilà, je crois que c'est un grand nouveau parti que nous voulons construire. C'est une séance de thérapie de groupe ou quoi ? Mais vous voulez peut-être que je commente les résultats avant qu'ils aient lieu. Je sais que vous avez toujours un temps d'avance. Moi, je l'ai déjà dit, je suis besogneuse. Une haie après l'autre. T'as un cœur de pouliche de course, ma belle. Donc je fais d'abord confiance aux militants pour être cette avant-garde démocratique que nous devons être. À propos, tenez, si vous pouviez faire une petite remise en état, ouvrir tout, aérer. En ouvrant les portes et les fenêtres, voilà ce que nous voulons faire ce soir. On ne dormira jamais, hein. Expliquez-vous, monsieur de Villepin. Hier, au procès Clearstream, c'est donc l'ancien Premier ministre qui était entendu. Je m'engourais qu'on allait encore évoquer des tristesses. C'est après 6 heures d'un interrogatoire lourd, pesant, obstiné. On est vraiment obligé de supporter ça ? Que Dominique de Villepin soudain a explosé. On peut poursuivre longtemps encore la calomnie, la rumeur, a-t-il dit. Et elle chemine ici. Mais vous n'arriverez pas à impliquer le ministre que j'ai été dans une affaire à laquelle il est étranger. À croire, tenez, qu'on juge ici une autre affaire. Et se tournant vers l'avocat de Nicolas Sarkozy, le doigt de Nicolas Sarkozy a été pointé sur moi et sur le président Chirac. Oh bah non, là c'est même plus marrant. C'est comme de tirer sur des poissons dans une barrique. Oui, étrange histoire que ce procès Clearstream. Du coup, ce matin, pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe sous nos yeux, nous allons t'offrir un conte merveilleux. « Il y a très longtemps, dans une lointaine contrée, vivaient deux féroces chevaliers, Dominique de Villepreux et Zoltan. L'un comme l'autre n'avait qu'un seul désir, s'emparer du pouvoir après le règne burlesque du roi Jaco de Corrèze. Effroyable stratège, c'est Zoltan qui prit possession du palais élyséen. Néanmoins, même une fois devenu prince, Zoltan redoutait la ténacité du chevalier de Villepreux. C'est pourquoi, pour se rassurer, régulièrement il interrogeait son conseiller occulte, un géant, Claude Géant bien sûr, pour savoir ce qu'il pensait de ce Dominique toujours si propre sur lui. Votre question est un peu soudaine, Nicolas. Car voyez-vous, je l'ai très bien connu propre. Ça n'était pas un mauvais bougre. Hein. Joli garçon, très soucieux de son apparence, bien sûr, mais toujours brillant. Hein. Il était amusant. Il a eu une ascension fulgurante. La télévision ne jurait que par lui. Ah, son corps donnait envie. Hein. Et il a rendu fou plus d'un marin. Hélas, les lampiades de la gloire ont ébloui le malheureux. Et très vite, ce fut la longue descente aux enfers. Oui, le prince Zoltan et son Claude géant avaient bien pourri la vie du chevalier Dominique de Villepreux. Son existence se résumait dorénavant à affronter des moulins à vent. Cependant, le souvenir glorieux d'un noble combat contre une puissance impérialiste qui voulait partir en croisade contre le califat de Bagdad offrit à Dominique de Villepreux le courage de s'opposer à nouveau à Zoltan. Ainsi, quelques mois après l'arrivée sur le trône du nouveau prince, Dominique de Villepreux avait retrouvé son panache. On m'appelle le chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Dans la campagne résonne la poudre, je vais et vole plus vite que la foudre. Personne ne me fait ma peur, j'ai pour moi la force et l'honneur. La justice guide mon bras, jamais rien ne l'arrêtera. Dominique de Villepin, citoyen français. Eh bien, moi, je souhaite que les amis de Nicolas Sarkozy soient capables de lui dire les choses. Intrépide, le chevalier Dominique de Villepreux brandissait alors la menace d'un risque révolutionnaire dans le royaume. Le prince Zoltan commençait à s'inquiéter sérieusement. Jusqu'à ce que son épouse, la princesse Carla du Piémont, constate qu'un curieux personnage rôdait autour de leur palais. D'ailleurs, un soir, Carla du Piémont fut effrayée d'apercevoir Jean-Louis Gergorin. Regarde l'affreux bossu. Oh mon Dieu, retourne-toi. Il te fait peur ? Non, non, mais retourne-toi. Il a un air méchant. Tiens, il nous regarde. C'est curieux, il habite la maison voisine de la nôtre. C'est son droit. Allez, viens, ne t'occupe pas de ça. Allez, viens. Je n'aime pas ce bossu. Je l'ai vu souvent rôder dans la rue. Un jour, il a même regardé à travers nos carreaux. Tiens. Tu devrais en parler à la Gardère. Oui, sauf que voilà, ce fut soi-disant pour protéger le comte de la Gardère et EADS que ce Jean-Louis Gergorin bossu se lança dans une sombre magouille de faux noms sur des listings où apparaissait celui du prince Zoltan. Persuadé que derrière ce dangereux complot se dissimulait en réalité le chevalier Dominique de Villepreux, Zoltan fut à la hauteur de sa réputation légendaire, un cavalier qui faisait peur à tous les enfants. Ce cavalier n'obéissait qu'à son goût du carnage. Il était de toutes les batailles. Monté sur un gigantesque cheval noir nommé Trompe-la-Mort, il se jetait au cœur de la mêlée, fauchant les têtes au grand galop. Il avait limé ses dents en pointes acérées pour ajouter encore à la férocité de son apparence. Mais le cavalier s'est éveillé. Il se déchaîne, coupant les têtes sur son passage. En effet, tout le monde tremblait de peur, car la vengeance du prince Zoltan serait terrible. Bon, cela dit, légitime vengeance ou plutôt véritable aubaine pour dézinguer son principal rival? Ça, nul ne le sait encore de nos jours. Cependant, l'acharnement de Zoltan fut effroyable et Dominique de Villepreux dut affronter une violente entreprise d'humiliation. D'ailleurs, il chercha par tous les moyens à récupérer la compassion de la population du royaume. Je suis heureux de vous retrouver sur le réseau Villepin.com. J'avais souhaité, en me rendant à l'audience, la première audience du tribunal correctionnel, y aller seul. Ma femme, Marie-Laure, mes enfants ont souhaité m'accompagner. Je voulais leur épargner cela. Ils avaient été suffisamment blessés par toutes ces années, blessés par les perquisitions faites à mon domicile, blessés par les mises en cause personnelles. Et ils ont tenu à être là. Et je l'ai accepté. Pauvre chevalier de Villepreux, après avoir été le premier serviteur du roi Jaco de Corrèze, il devait désormais, tel un vulgaire brigand, affronter les foudres de la justice. Cela dit, même affaibli à la barre du tribunal, Dominique de Villepreux retrouva toute sa hargne. C'est à Madame Justice que je dédie ce concerto, en l'honneur des vacances qu'elle semble avoir prises très loin d'ici, et en reconnaissance de l'imposteur qui se dresse à sa place. Oui, dans les coursives du tribunal, Dominique de Villepreux affirma que la justice avait perdu toute indépendance, puisqu'il était victime d'un procès politique orchestré par le prince Zoltan lui-même. Bon, c'est vrai que quand Zoltan a répondu aux questions des bouffons médiatiques du roi, que les présumés innocents dans cette affaire étaient coupables, franchement, tu te disais que, enfin, même dans un conte merveilleux, là, tout de suite, c'est louche, quoi. Bref, la violence inouïe des échanges ne laissait entrevoir qu'une seule issue entre les deux chevaliers. Ainsi, Dominique de Villepreux, entouré de ses plus fidèles écuyers, décida de se préparer au mieux. Il faut que je prenne des forces. Je me bats en duel à l'aube. Ça va être désagréable, hein, de mourir à jeun. Vous vous battez en duel et avec qui? Avec un imbécile. Vous allez le tuer, j'espère. S'il fallait tuer tous les imbéciles. Non, évidemment. Et pourtant, ça simplifierait tellement les choses. Et, en effet, le duel à mort dans l'affaire Clairstream semblait inévitable. Seulement voilà. Comment est-ce possible de terminer un conte merveilleux sur une fin aussi tragique? Non. Franchement, non, ce n'est pas possible. Il faut imaginer, à la manière des studios d'Hollywood, une fin beaucoup plus heureuse. Alors écoute bien, car voici le véritable épilogue de ce conte merveilleux qu'est l'affaire Clairstream. Après plusieurs années de combats et de haine réciproques, Dominique de Villepreux et Zoltan s'aperçurent enfin qu'ils tissaient en réalité une sublime histoire d'amitié virile entre deux chevaliers qui se chamaillent. D'ailleurs, nous laissons les derniers mots au prince Zoltan. Moi, vouloir du mal à Dominique de Villepin, mon ami? Votre ami. Prenez un mouchoir, je vais vous raconter l'histoire d'amitié extraordinaire qui nous unissait, moi et Dominique. Non, monsieur Sarkozy, tout le monde sait que vous vous détestez. Lui, il me détestait. Mais moi, je l'adorais comme le frère que j'ai jamais eu. Ben, vous avez eu deux frères. Oui, ben, je l'adorais comme le troisième frère que j'ai jamais eu, alors. Et c'est pour ça que vous avez tout fait pour que Dominique de Villepin se retrouve devant les tribunaux. Mais moi, ça me bouleverse, ce procès. Et d'ailleurs, je voudrais m'adresser à mon ami Dominique pour lui dire ceci. Dominique, tu es fini. Tu es un homme brisé. Tu n'as plus aucun avenir politique. Tu es ridicule et affaibli. Eh bien, sache que quand tu sortiras de prison, dans 10 ans, accro, tranquillisant et recouvert de tatouages, eh bien, moi, je serai là pour toi. Up with the sunrise, rising shine is but a lie. Lie down again before I even see seed cakes freshly baked for me. You stand up and I'm thinking, King, you are not by no means. I'll share my teapot on the sun. up with the sunrise. Rise and shine is but a lie. Lie up, it is my other middle name. Name and shame me, please, please me. You take me for your new queen. Queen cakes are beyond your means. Means I will never ever ever ever brew ourselves a tea for two. Such a precious toy, or you'll be my foil. Hang on, hold on, wait on till I decide whether to pretend or not. I'll show my teeth out on a Sunday morning with a stranger hanging round my property. No sugar, no coffee, no iced tea, no TV, no ice cream, just a tea. Stir your milk up and sit down, please. No sugar, no coffee, no iced tea, no TV, no ice cream, just a tea. Stir your milk up and sit down, please. Such no a precious sugar, story. No coffee, no boy, iced tea, you'll be no TV, foe. No ice cream, just a tea. Stir your milk up on and sit a down, Sunday morning. Such no a precious story. No coffee, no boy, iced tea, no TV, foe. No ice cream, just a tea. Stir your milk up on and sit down. Sugar, sugar, c'est la plongée sucrée que te proposent les Frenchies de Diving with Andy. Mais surtout, n'y va pas en dimanche, sous peine de te crêper le chignon. Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière. Ah non, non, non, je m'excuse, monsieur, nous ne faisons pas cela ici, vous êtes trompé d'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. Alors maintenant, après avoir découvert avec stupeur les coulisses surréalistes de l'affaire Clairstream, un Barnum qui atteint des profondeurs abyssales, question Cuba et médiocrité, il est temps, à 11h27, de nous intéresser à un autre trou, celui de la sécurité sociale. Mais oui, tu sais bien, le trou de la sécu, ce truc que nos gouvernants agitent de temps en temps, sans doute pour faire oublier que l'État est à la bourre pour payer ses arriérés. Et puis surtout, la solidarité nationale de la santé dépend beaucoup de la volonté des gouvernements. C'est un choix politique. Quand le programme du Conseil national de la résistance a imposé la mise en place de la sécurité sociale, c'était en 1944. Et la France était dans un état bien plus critique qu'aujourd'hui. Et ça avait été possible. Avec les ordonnances d'octobre 1945, on a eu la sécu. Alors cette semaine, pour se souvenir de ce merveilleux anniversaire, les voix des fantômes de l'INA, un peu enrouées, ont beaucoup jacassé de la protection de notre santé. Alors, écoute ce que nous rapporte notre Bernard Lhermitte, planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard Lhermitte. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, on était au plus mal. Et pourtant, toute la semaine, on est allé travailler. Et du coup, jeudi soir, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Tout le monde avait chopé le même rhume carabiné. Un mal qui répand la terreur. La fièvre ! Mal que le ciel, dans sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre. La fièvre chaude de ma tête. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Plus d'amour, partant, plus de joie. C'est juste un mauvais moment à passer. Heureusement, il y a la sécurité sociale. La sécurité sociale ? Jamais entendu parler. Alors, nous avons consulté Daniel Mayer, qui nous a expliqué que nous n'étions pas concernés. En ce qui concerne la sécurité sociale, mon souci a été d'en étendre le bénéfice à de nouvelles catégories. Fonctionnaires, ouvriers de l'État, militaires, apprentis non salariés, étudiants, bénéficient désormais de cette grande loi humaine. Comme on n'avait pas d'argent, Jean Renoir, nous a raconté les trucs et astuces de son père, Auguste, pour se soigner gratuitement. Je vois mon père, qui commençait à être malade, et il croyait beaucoup, pour un peintre, à l'adresse physique. Alors, par exemple, il jonglait constamment. Je le vois encore dans son atelier ou dans le vestibule de notre maison avec 3 balles et jonglant constamment pour maintenir la souplesse de ses doigts. Il jonglait aussi avec une petite bûche. Il choisissait une petite bûche parmi les bûches que nous avions préparées pour faire du feu. Il la grattait soigneusement avec un couteau pour qu'il n'y ait pas des charges et il l'envoyait virevolter en l'air et la rattrapait sous la jambe, derrière le dos, en l'air, en bas. Il jouait aussi au bilboquet. Mais le docteur Saïdou Konté avait une meilleure idée. On n'avait qu'à se soigner entre nous. Eh bien, nous pourrions commencer peut-être par préciser ce fait qu'en Afrique noire, il y a dans nos sociétés un concept de sécurité sociale. Dans les villages, les veillards, par exemple, sont à la charge du village. Les guérisseurs interviennent dans une très large mesure pour prodiguer leurs soins à ce qu'on pourrait appeler dans ces sociétés des économiquement faibles. Comme médecin, on a choisi Antonin Artaud, parce qu'en maladie, il en connaît un rayon. C'est ainsi que je considère que c'est à moi, sempiternel malade, à guérir tous les médecins nés médecins par insuffisance de maladie, santé d'un monde d'avachis. Eh ben, j'ai attaqué mon médecin. D'accord. Parce que j'avais été... C'était un moment donné où je souffrais. Hein. Monsieur Saladin souffrait de quoi? Je souffrais, j'avais été autodiagnostiqué une rhinopharyngite. Une rhinopharyngite, c'est-à-dire qu'à tous instants, vous faisiez... voilà, ni plus ni moins. Alors donc, je suis allé voir le médecin qui m'a fait une ordonnance à la suite de la consultation. Je suis allé chercher mes médicaments. Voilà. 48 heures après... Hein, c'était... Pas de résultat, pour ainsi dire. Au cop. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Saladin, à ce moment-là? Ah ben, j'ai attaqué. Voilà, il a attaqué. Je suis allé voir mon avocat, puis j'ai dit, il faut attaquer, parce que normalement, il y a obligation de résultat. Merci, monsieur Saladin. Et normalement, on va pouvoir... Normalement, on va peut-être arriver à le faire radier de l'ordre des médecins. Peut-être. C'est formidable. En tous les cas, les médecins de la sécurité sociale sont dessus. Bah, bien sûr, ils vont s'en occuper. Sur le dossier. Ah oui, il va être beaucoup plus contrôlé. Merci beaucoup, Flora Bernard, d'avoir creusé le dossier de la sécurité sociale. Mais il est temps maintenant de rejoindre un autre trou, puisqu'il est l'heure de nos actualités locales. Voici donc notre décrochage régional, direction Grosboul-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mange un Palace à 11h33, il est temps de poursuivre notre apprentissage de la vie grosboulaise en compagnie de nos deux héros, Jean-Claude, le surnuméraire, et Monique, l'enfant stage. En effet, cette semaine, pour Jean-Claude, il y a eu attraction éblouissante au boulot, car sa boîte a eu la benoîte illumination pour aller encore plus loin dans la course au rendement et aux économies de production. Plutôt que d'embaucher, elle a recruté un stagiaire. Et ça tombe bien, puisqu'il y avait de la demande. Bonjour, salut, bonjour, je suis jeune étudiant. Bonjour. Je voulais savoir s'il était possible de faire un stage ici, voir un petit peu comment on bosse, quoi. Ouais, entrez, on va voir ça. Ok, c'est cool, merci. Oh non, un stagiaire, il va falloir lui montrer comment on travaille, alors que j'ai des sudokus sur le feu. Ouais. Et bah d'ailleurs, tu vas aller me faire un café, hein, allez. Ouais, pas de problème, monsieur, j'y vais. Allez, là, peu boulot. Ok. Oh. Donne. Et pendant que tu y es, t'es gentil, petit, t'iras à la poste chercher le courrier, tu passeras au pressing récupérer la veste du chef, et puis tu nous feras le courrier. Merci. Je veux dire, c'est pas à vous de faire ça normalement, quoi. Ah si, donc, carrément, mais j'ai pas très envie. Ouais, et comme c'est toi le nouveau, maintenant c'est toi qui feras le sale boulot. Bon, malgré des conditions de travail pas très engageantes et surtout non rémunérées, le stagiaire exprime devant le Jean-Claude sa joie d'avoir enfin trouvé un stage. Je suis le maître du monde. Oui, alors là, Jean-Claude calme immédiatement le stagiaire, qui n'a pas de prénom d'ailleurs, c'est le stagiaire tout simplement, et il est urgent qu'il comprenne sa place dans la société. Rien n'est à toi, tu ne vaux pas un seul centime ne t'appartient à la société anonyme. Rien n'est à toi, tu ne vends pas un seul centime ne t'appartient à la société anonyme. Le stagiaire ne moufte pas et entreprend immédiatement le boulot qu'on lui a confié. Et de son côté, Jean-Claude devise avec ses collègues du bien fondé de ce recrutement. Eh ben, s'ils se mettent pas à bosser de bonne heure, les gamins, qui c'est qui va payer une retraite? Et moi, à 12 ans, j'étais déjà sur les cerisiers en train de faire la queue. Remarquez, c'est vrai qu'il faut redonner aux jeunes le goût du travail, et puis on commence exactement. Tout. Exactement. Et si vous voulez, il peut faire votre bagnole. Non, pas la voiture, mais... Et il est où, là? Dans les gaines de climatisation. Moi, il n'y a qu'un petit gabarit comme lui qui peut aller gratter la poussière dans les coins. Tenez, je crois qu'il passe au-dessus, là. En effet, le stagiaire passe au-dessus dans les gaines de climatisation. Bon, évidemment, au sein de l'entreprise, il y a quelques bonnes âmes pour remettre en cause cette situation. Mais là encore, Jean-Claude exprime clairement son opinion. Le dieu du moment, c'est l'ultralibéralisme et la compétitivité à outrance. Alors... Pas de pitié pour les cas. Oh, dis donc, là qu'ils ont fait une chanson avec ce titre-là. Ça te la coupe, hein, quand t'es plus ton slogan. À ta place, moi, je réclamerais des droits d'auteur. Ouais, ça va, c'est bon. En écoutant cette expression, vous demandez bien ce que ça veut dire. Éclairons votre compréhension. En moins de deux, je vais vous affranchir. Pour nous les vrais gars du milieu qui vivons en marge de la loi. Pas de sentiment, ça fait vieux jeu. On a figé et fait notre choix. Pas de pitié pour les caves. Ceux qui sont pas du bâtiment, les grossiums qui sont pleins de pognon, tous ceux qui seraient pour un patron. Pas de pitié pour les caves. Pas de pitié pour les caves, puisqu'il faut en chier pour se faire une place dans l'entreprise et avoir le droit de bosser. Mais bon, ne va pas croire non plus que Jean-Claude est un odieux maître de stage. Non, loin de là. Ah, bonjour. Alors, comment ça va? Bonjour, ça va? Bonjour. Ah, je suis content de vous avoir, tiens. Alors, bon alors, dis donc, faudrait passer me voir un peu au bureau, là, hein. Quand est-ce qu'on fixe un rendez-vous pour qu'on se voit, pour qu'on puisse se parler? Hein? Ben, je suis là. Bon alors, quand est-ce qu'on se voit? Quand est-ce que vous passez au bureau? J'ai besoin de vous voir, moi. Non, mais j'ai besoin de vous voir. Quand est-ce que vous passez, alors? Hein? J'ai besoin de vous voir, moi. Oui, ben, je suis là. Quand est-ce qu'on se voit, alors? Ben, je suis là. Ouais. Je... Non, mais quand est-ce qu'on se voit? Ben, là, on se voit. On se voit, monsieur. Oui, mais... On se voit. Attendez, hein? Je comprends pas. Vous voulez que je parte? Vous voulez que je parte, c'est ça? Vous voulez oui, que... oui. Ah, d'accord. Ouais. Excusez-moi. Pardon. Oui, j'aime bien faire chier les stagiaires. Eh oui, il est comme ça, Jean-Claude, taquin. Mais bon, il s'est aussi confié des responsabilités aux stagiaires. Tiens, par exemple, il lui a demandé de recharger la photocopieuse en papier, en faisant bien attention au bourrage. Ouais, sinon, c'est le drame. Et pourtant, quand Jean-Claude arrive devant la photocopieuse, il y a du papier partout. Le stagiaire n'a pas suivi ses conseils sur la manière de placer les feuilles dans la machine. Des conseils que Jean-Claude n'a pourtant pas oublié de lui rappeler. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Eh bien, du côté du stagiaire, ce ne sont pas les regrets qui se ramassent à la pelle, mais les aigreurs. Il est d'accord pour faire un stage, seulement si les règles du jeu sont honnêtes, c'est-à-dire un boulot intéressant qui va déboucher sur une embauche et pourquoi pas une rémunération, car, comme dit sa grand-mère, tout travail mérite salaire. À ces mots, le sang du Jean-Claude ne fait qu'un tour. Très bien. Allons voir le directeur. Suivez-moi. Vous croyez ça? C'est vous qui allez m'emmener? Allez, en voilà assez. Moi, c'est de ta gueule que j'ai assez. T'as une grande gueule, pourtant. Tu sais me commander. Faites ceci. Faites ça. Puisque tu commandes si bien, je pense que tu pourras venir me chercher. J'irai pas tout seul voir le directeur. Faudra m'amener de force. Viens me chercher! Viens me chercher, tu m'entends? Ah, mais là, d'un coup, Jean-Claude est totalement débordé par cet acte de rébellion. Ça sent la fin prématurée de ce stage. Fin de l'histoire. Mais ce que Jean-Claude ne sait pas, c'est que le stagiaire, a décidé de faire le tour de tous les bureaux de la boîte afin de rameuter les autres stagiaires et même tous les salariés, dis donc. Empare-toi maintenant de l'usine, du capital, ne sois plus serviteur. Reprends l'outil et reprends la machine, tout est à tous, rien n'est à l'exploiteur. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Bien, alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h41, après avoir constaté que des stagiaires exploités peuvent se révolter, il est l'heure bien sûr désormais de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Ainsi, ce matin, dans son dictionnaire imaginaire, le mot qui compte triple pour monsieur Julien Dugast, c'est « mutant ». Pourquoi ? Eh bien sans doute parce que le changement de statut d'un service public peut parfois donner naissance à un monstre protéiforme. Alors, pour en savoir un peu plus, notre facétieux reporter est allé rendre visite à Claire Montialou, économiste et rédactrice en chef adjointe de la revue, revue Regards Croisés sur l'économie. Ainsi, peut-on penser que notre bon vieux facteur puisse à l'avenir, mutatis mutandis, connaître les mêmes bonheurs qu'un salarié de France Télécom ? Immédiatement, découvrons ensemble, juste après la virgule, ce que signifie un mutant. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot WACT. Deux consonnes, une voyelle, mute, une voyelle, deux consonnes, en, mutant. Alors le mutant peut être soit un descendant qui a subi une mutation par rapport à ses parents, ou bien ça peut être un être de science-fiction qui fait preuve de qualités exceptionnelles, extraordinaires. Donc en fait, est-ce qu'un mutant, c'est une forme dégradée ou bien améliorée de son modèle original ? Colissimo, chronopost, le temps se réduit. Pas de problème, la poste est là pour vous épauler. Est-ce qu'on doit avoir peur de la mutation qu'on nous propose de la Poste ? Alors, la mutation qu'on nous propose actuellement, c'est un changement de statut juridique de la Poste. Actuellement, la Poste est un EPIC, un établissement public, industriel ou commercial. Et ce qui est en discussion aujourd'hui, c'est le changement vers un statut de société anonyme. C'est pas faux. La société anonyme en soi, c'est juste, il y a juste eu un changement de forme juridique. Cette forme juridique est le premier jalon vers une ouverture de capital de la Poste. Dans le cadre de la privatisation, excusez-moi, relance, j'ai décidé qu'on investirait et donc on va mettre le paquet sur la Poste. Privatisation. La Poste changera de statut, mais ne s'ouvrira qu'à des capitaux publics. Privatisation. Comme la Caisse des dépôts. Donc on préservera l'intégralité des grandes missions de service public de la Poste, mais on va lui donner les moyens de se développer. Ça veut dire que ce changement de statut, c'est une privatisation déguisée. Alors, il y a quelques jours, Christine Lagarde déclarait « Il n'est pas question de privatiser la Poste ». Mais les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, comme dirait Henri Queuil. Ah, c'est pas faux. On se souvient très bien en 2004, lors de l'ouverture du capital de GDF, que Nicolas Sarkozy avait dit « Il n'est pas question de privatiser GDF ». Deux ans plus tard, lors du processus de fusion avec Suez, GDF est devenue une entreprise privée. Ouais, c'est pas donc faux. Aujourd'hui, il y a de bonnes raisons de croire, de craindre, que la Poste, si elle devient une société anonyme, sera le premier jalon posé vers une privatisation partielle ou totale de cette entreprise. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Il fabrique une nouvelle espèce d'alien. Je voudrais que vous compreniez ce que nous faisons ici. Ils voulaient arracher du corps. Pas tout à fait, non. L'Union européenne a fait le choix de mettre en concurrence les différents services postaux nationaux pour aller chercher des gains d'efficacité, peut-être diminuer le coût du service, améliorer la qualité du service. Elle a fait le choix de la mise en concurrence des services postaux nationaux. Une alternative aurait été de construire un service public postal européen qui aurait pu être un emblème très fort de la construction européenne. Ah bah pour une nouvelle ! C'est des bonnes nouvelles ! La Poste, on a tous gagné. Tous ces changements, ces modernisations qui sont induites par l'ouverture à la concurrence provoquent nécessairement des changements structurels majeurs au sein de la Poste. Et on a vu que pour France Télécom, ces changements d'organisation pouvaient avoir un coût humain extrêmement fort. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Alors, quant à moi, je prends mes 3T et mes 3X. Ce qui donne le mot... Pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Oui. Alors, le risque, bien sûr, de ce changement de statut pour la Poste, c'est la concurrence à outrance. Genre ambiance France Télécom, quoi. Et forcément, qui dit concurrence, dit changement de cadence et sous-entend immédiatement réduction des coûts. Traduction, suppression des tournées du facteur qui ne sont pas assez rentables, alors qu'on sait très bien que c'est un personnage essentiel dans de nombreux petits villages, par exemple. Oui, la Poste, service distribution, je vous écoute. Bonjour, monsieur. Madame. Madame Ledoux, à l'appareil. Oui. Je voudrais des nouvelles de mon facteur. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, madame? Il passe de plus en plus en retard. Ah bon? Comment ça se fait? Je sais qu'il s'arrête chez ma fille tous les matins. Ah, oui. Qui habite deux numéros avant. Hein. Mais avant, ça durait 5 minutes, là. Oui. Et puis maintenant, il vient une demi-heure en retard. Ah bon? Il reste un peu plus tard chez votre fille, alors? Oui. Ah ouais? Alors, je crois que ma fille lui donne des cours de Kama Sutra ou quelque chose comme ça. C'est une langue du oriental, m'a-t-il dit. Ah bon? Oui. Alors là, c'est pas normal qu'il prenne des cours de langue sur sa tournée. Elle vieillit, saute à petits pas, de petits chiens en petits chats, les bigotes. Elle vieillit, saute d'autant plus vite, qu'elle confond l'amour et l'eau bénite, comme toutes les bigotes. Ah, si j'étais diable en les voyant parfois, je crois que je me ferais châtrer. Si j'étais Dieu en les voyant prier, je crois que je perdrais la foi par les bigotes. Elle processionne à petits pas, de bénitier en bénitier, les bigotes. Et patati et patata, mes oreilles commencent à siffler, les bigotes. Vêtue de noir comme monsieur le curé, qui est trop bon avec les créatures, elles sont bigotes, les yeux baissés, comme si Dieu dormait sous leurs chaussures de bigotes. Le samedi soir à Presse-Turbin, on voit l'ouvrier parisien, mais pas de bigote. Car c'est au fond de leur maison qu'elles se préservent des garçons, les bigotes, qui préfèrent se ratatiner de vèpre en vèpre, de messe en messe, toutes fières d'avoir pu conserver le diamant qui dort entre leurs de bigotes. Elle meurt à petit feu, en petit tas, les bigotes. Qui cimetièrent à petit pas, au petit jour, d'un petit froid de bigotes. Et dans le ciel qui n'existe pas, les anges font vite un paradis pour elle, une auréole et deux bouts d'ailes. Lolé, un petit pas de bigote. Les bigotes, c'était Jacques Brel qui se moquait en 1963 de cette espèce animale aujourd'hui complètement disparue, non ? Dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé, même s'il est important qu'il s'en approche, parce qu'il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d'un engagement porté par l'espérance. Alors maintenant, à 11h50, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade ? Eh bien, cette semaine, sans conteste, la presse est dans les choux. Et Philippe, qu'est-ce qu'on trouve dans les choux ? Des monstres. Non, des bébés. Et Libération nous annonçait il y a quelques jours la naissance à Kisaran, dans le nord de l'île de Sumatra, en Indonésie, d'un nourrisson de 8 kg et 700 g pour 62 cm. Un poupon de 8 kg 7. Pardon, excusez-moi Philippe. J'entends dans mon casque, un peu partout en France, à côté des transistors, s'élever une clameur sourde de douleur. 8 kg 7, c'est énorme. Et césarienne, évidemment. Et encore, c'est pas le record, hein, parce qu'en 1879, dans l'Ohio, aux États-Unis, donc, serait né un bébé de près de 11 kilos. Et, ouais. Et en France, nous sommes des petits joueurs, hein, le record est de 6 kg 180 en 1993. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Félicitations à la maman. Mais pour des bébés gros comme ça, on a évidemment besoin de planter de gros choux. Eh oui, hein, pour mettre les bébés dedans. Et d'ailleurs, cette semaine, les journaux nous ont signalé un spécialiste de la multiplication des choux. C'est Confucius. La presse s'est beaucoup fait l'écho du 60e anniversaire de la République populaire de Chine, hein, la plus grande dictature immonde. Mais on a beaucoup moins parlé du 2560e anniversaire de la naissance de Confucius, ce grand sage chinois dont la philosophie a été érigée en religion et qui est né à la fin du mois de septembre 551 avant notre ère, il y a donc 2560 ans. D'ailleurs, le Global Times, un canard issu du Parti communiste chinois, publié par le Quotidien du Peuple, un journal d'expression libre, quoi, bon, nous apprend qu'à Koufou, là où est né Confucius, dans la province de Shandong, à l'est du pays, à l'occasion de l'anniversaire de sa naissance, a été dévoilée la nouvelle liste des descendants de Confucius. Une liste qui n'avait pas été actualisée depuis 1937. Elle compte 2 millions de personnes. Grosse famille, ah oui. Et grosse famille, hein. Et pour un penseur aujourd'hui reconnu et même célébré par le gouvernement chinois, alors qu'il avait été considéré comme rétrograde par Mao. Vous vous souvenez tous ces gens qui disaient « Oh là là, dehors Confucius, tous ces disciples, chou en l'ail par exemple. Et, ah, excusez-moi Philippe, j'entends Miranda qui dans son poste à côté, ah oui, qui vient de dire « Oh, à côté de Marseille, 8,7 kg dans le chou. Aïe, peu cher. » Ah, Marseille, justement. J'en profite, Mauduit, pour dire pendant 2 secondes que dans 15 jours, on sera en direct de Marseille, du vieux port de Marseille, ouais, au café La Samaritaine. C'est la première fois qu'on sort en public et en direct et on attend beaucoup de gens pour venir nous voir. On sera très heureux de bien vous rencontrer. Et voilà, poursuivez, voilà, Mauduit, poursuivez. On y trouve tout, donc c'est bien. Voilà. Alors, Philippe, pour moi, c'était important de comprendre ces histoires de choux. Et pour mieux analyser tout ça, je me suis évidemment plongé dans le magazine qui s'intéresse le plus aux choux ce mois-ci. Il s'agit évidemment du hors-série du monde du muscle et du fitness. Oui, c'est dans sa rubrique gastronomie culturiste que ce magazine dresse un panégyrique du chou avec un sublime dossier totalement improbable et intitulé « Jamais sans mon chou ». Alors, il est signé de la charmante... Oui, je le vois. Oui, il est là. Il est magnifique. Bah, regardez. Il y a la charmante Josette Roche-Chuet. Ah, vous voyez sa photo. Hein, c'est magnifique. Entre... Oh, bah, entre Elisabeth Tessier et Rick Azaray. Ah, oui, oui, oui. Alors, Josette, elle a la passion du chou. Elle le tutoie d'ailleurs. Toi, mon chou, tu es le compagnon apprécié de ma vie de terrienne. Ouais, Josette, bien sûr. Alors, elle continue. Hein. Nos fréquents repas en tête à tête sont un gage de ma bonne santé. Je tiens à le crier haut et fort. Merci pour ton incomparable mine de trésor nutritif. Ouais, c'est assez trognon, Josette. Bon, elle consomme pas que du chou, hein, c'est clair. Alors, Philippe, je vous rappelle que cette ode au chou, c'est un dossier de 4 pleines pages dans le monde du muscle et du fitness. Un canard bourré de photos de types et de nanas hyper bodybuildés, tout ça, qui nous aguiche à sa une. Hein, vous pouvez regarder. Oui, j'ai vu, ouais, ça fait très bizarre. Hein. Comment hypertrophier vos deltoïdes. Oui. Bon, ou encore un article sur le biceps crural à la loupe. Il y a même un portrait de José le Bosseur, 1m60, 89 à 98 kilos et 71 cm de tour de cuisse. Hey, beau bébé, hein. Mais Josette, elle en a rien à foutre. Elle continue avec ses choux dans des rubriques au titre savoureux du genre « Comment te choisir ?»« Comment te conserver ?» ou encore « Hop, à la cuisine avec notre chou !» Alors voilà, donc bon, elle vit à fond sa passion, Josette. Hein. Elle est dans les crucifères totales. Elle atteint des sommets de poésie quand elle parle du chou-fleur romanesco. C'est une pure merveille, nous dit-elle, avec des fleurettes pyramidales de couleur jaune tirant sur le vert, disposées en spirale pour former une architecturale pomme pointue. Et de conclure, ah, ces talentueux italiens, quels artistes. Voilà, donc le magazine littéraire peut aller se rhabiller hein, au monde du muscle et du fitness. Josette va leur trouver un adorable tout petit slip de bodybuilding, ils vont être superbes. Voilà, parmi tous les conseils de Josette, je terminerai par celui-ci. Elle parle du chou, bien sûr. Tu détestes que l'eau te fasse trop cuire. Tu en deviens gris de tristesse devant tant de matières premières gâchées par ignorance. Et de conclure, alors toi, mon chou, donne toute la mesure de ta valeur. Oui, la vertu du chou pour Josette est à l'aune de ce que rapporte Confucius dans un recueil de textes anciens, le Shu King. Celui qui plante la vertu ne doit pas oublier de l'arroser souvent. Merci, monsieur Maudit, pour cette formidable revue de presse à la mode de chez nous. À la semaine prochaine, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 173e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était les actualités, revues et corrigées par la bande de furieux du Manche à Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche, à 11h et en direct sur France Inter pour de nouvelles aventures archiloufoques. Et total foutraque, bien sûr. Panique au Mangin Palace, c'est une émission coécrite, les doigts dans la prise, avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie très chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M, Henri Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Sandrine Laurent et de Philippe Duclos. Merci beaucoup à vous deux. C'était parfait. Pour toute la documentation et la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet et Elsa Denac. Pour les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires, ainsi qu'au formidable documentaliste de Lina et à Marion Cross, notre stagiaire, que nous traitons avec beaucoup de bienveillance. Voilà, pour toutes les informations supplémentaires, la panique au Mangin Palace possède un tout nouveau site internet savamment ripolliné sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques instants récupérer l'émission pour une balado-diffusion. Juste un mot pour vous dire à nouveau que dans 15 jours, donc le dimanche 18 octobre à 11h, nous serons en direct du Vieux-Port de Marseille au Café La Samaritaine à l'occasion de la Fiesta des Suds. C'est la première fois en 5 ans que nous produirons la panique en direct et en extérieur, alors nous vous attendons très nombreux et très joyeux. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Marie-Pierre Planchon et sa propre recette du crumble. Allez, portez-vous bien, on se retrouve le week-end prochain, mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment? Ah, c'était en direct? Ah, je savais pas que c'était en direct.